Audiomatique. La transmission 027 de l'émission Audiomatique s'ouvrait sur la musique de Venetian Snares, le projet de l'artiste canadien Aaron Funk. La pièce « The Hopeless Pursuit of Remission » se retrouve sur l'album intitulé « My Downfall » sorti en 2007. À l'image de la composition que nous venons d'entendre, cet album présente des rythmes breakcore sur des mélodies classiques dans un mélange qui pourrait, a priori, paraître improbable. Que votre présence sur les ondes du 89.1 FM soit un choix délibéré ou une pure coïncidence, les électronistes vous accueillent à bras ouverts, en espérant seulement que vos oreilles seront comme nos bras et qu'elles ne feront aucune discrimination quant à ce qu'elles entendront à Audiomatique. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que les entités sonores libérées ce soir auront soit une structure, soit une nature ou une incarnation électronique. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que nos anciennes transmissions sont disponibles à l'écoute sur notre page Facebook à facebook.com/audiomatique-cfou. Maintenant, amorçons la prochaine séquence avec le projet autrichien Herbs. We'll be right back. Understand. À Audiomatic, c'était le groupe américain Minus the Bear et la chanson The Game Needed Me, remixée par The Octopus. Cette version se retrouve sur l'album Interpretaciones del Oso, qui regroupe toutes les chansons de l'album Menos el Oso, mais en version remixée. Précédemment à Minus the Bear, il s'agissait de Atomica, groupe de Chicago qui était à l'origine un trio et qui est maintenant un duo, toujours mené par Wade Allen. Ils ont également changé leur nom pour The Atomica Project. Nous entendions la chanson One Day in New York City, tirée de leur premier album Metropolitan, paru en 2005. Et le projet viennois Urbs, U-R-B-S, débutait la séquence avec sa composition The Incident, que l'on peut retrouver sur l'album Toujours le même film. À Audiomatic, poursuivons sans attendre avec la formation belge de Walton Oaks qui nous offre sa pièce Limitless. Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. And yet, it all seems limitless. Breathing wrongs, I've been chasing white lies round the corners of my memories. Never stop to think, never stop to change my mind. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless. horse. Take them to those tortured places. Avant la pause publicitaire, nous entendions la formation de Tear Garden, fondée en 1986 par des membres des groupes Skinny Puppy et The Legendary Pink Dots, mais conduite principalement par les artistes Kevin Key et Edward K. Spell. La pièce Tasteless que nous avons écoutée paraît sur l'album To Be an Angel Blind, The Crippled Soul Divide, sorti en 1996. Avant de Tear Garden, le compositeur norvégien Erik Wollo nous offrait la pièce titre de son album Gateway. Et de Walton Oaks ouvrait la séquence avec Limitless, une pièce qu'on peut trouver sur le cinquième volume de la compilation Emerging Organism de l'étiquette de disque Timpanic Audio. Audiomatic se poursuit maintenant avec le projet féminin Archer Loves Plastic. My soul. I've never been so intrigued and turned on by something I've read. You must be equal parts Pam Anderson, Joan Jett, and Attila the Hun. Love me. Thank you. I'm out to prove I won't lose. Ce bloc musical se terminait à Audiomatique avec une collaboration toute allemande, soit celle entre Hélène Fratz et Sascha Ring, ou si vous préférez, entre Hélène Alien et Apparat, qui nous présentait la pièce Way Out de leur album Orchestra of Bubbles. On a aussi pu entendre le groupe texan ON, O-H-N, et la chanson These Politics de l'album Revolutionary Revolution. Et en début de segment, Archer Loves Plastic, le projet de Bev Stanton, nous offrait la pièce Let's Do It, tirée de l'album Beneath the Watchful Eyes. Nous terminons la transmission de ce soir avec une pièce ambiante issue de la collaboration entre les projets Voice of Eye et Life Garden. Collaboration qui a pris forme notamment sur la série de deux albums portant le titre de Hungry Void. La composition que nous allons entendre paraît sur le volume 1 de cette série, intitulé Fire. Les électronistes qui espèrent que vous avez pu apprécier notre tentative de jouer le plus de pièces possible dans un temps imparti de 60 minutes, si vous êtes curieux d'entendre les transmissions passées d'Audiomatique, vous pouvez les trouver sur notre page Facebook à facebook.com/audiomatique. Cette émission sera rediffusée sur les ondes de C'est fou ce samedi à 20h. Sinon, on se donne rendez-vous mercredi prochain à compter de 18h pour la transmission 028. Voici maintenant, pour terminer, la collaboration entre Voice of Eye et Life Garden avec la 8e des 9 compositions sans titre qui forment l'album The Hungry Void Volume 1, Fire.